Dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Pepper. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Comment les scientifiques peuvent-ils aider à se préparer aux risques naturels? Un Français sur quatre vit en zone inondable et avec le réchauffement climatique, les épisodes de crues risquent de se multiplier. Ce sont les villes qui sont les espaces les plus vulnérables. En cas de crue centennale, la situation ne sera pas comparable avec ce qu'ont vécu les Parisiens en 1910, car notre modernité nous fragilise. En 2019, des scientifiques prennent le sujet très au sérieux. Ils imaginent le pire afin que les pouvoirs publics et la population puissent faire face. Notre grande spécialiste française des risques naturels et des catastrophes s'appelle Magali Reguezazit. Cette géographe est enseignante-chercheuse à l'École normale supérieure. Avec elle, nous allons dans cette émission revenir sur des événements majeurs, mais aussi envisager l'avenir. Magali Reguezazit connaît très bien le sujet des inondations. Les aventuriers sur France Inter. Alors une inondation, c'est pas une crue. Une inondation, c'est quand on a de l'eau qui va submerger une surface ou aussi parfois des sous-sols. Et donc pour avoir une inondation, en fait, on a plusieurs façons de fabriquer une inondation. Soit on va avoir le cas le plus classique, en tout cas celui que les Français connaissent, c'est les cours d'eau qui débordent. Mais on peut aussi avoir des inondations parce qu'on appelle la remontée des nappes phréatiques. Alors celles-là, elles sont très sournoises parce qu'on les voit pas, c'est les sous-sols qui vont s'inonder et puis après ça peut revenir en surface. On va aussi avoir des inondations qui sont liées à ce qu'on appelle des submersions marines. Donc là, c'est la mer qui va rentrer dans les terres, notamment à l'occasion d'une tempête ou d'un cyclone, une rupture de digue aussi qui peut arriver. Et puis on va avoir des inondations qu'on appelle par ruissellement urbain, c'est quand des orages en fait vont éclater de façon très localisée et comme les surfaces sont imperméabilisées, eh bien cette eau en fait va ruisseler. Donc il y a pas de fleuve, il y a pas de mer, c'est simplement l'eau qui ruisselle sur du béton, sur des toitures, sur en fait des surfaces imperméables. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que ces inondations interagissent souvent les unes avec les autres. Et elles interagissent aussi avec nos constructions humaines. Par exemple, de plus en plus dans les villes, on a enterré des réseaux sous nos pieds. Et ces réseaux, en fait, ils fonctionnent comme des fleuves souterrains qui conduisent l'eau. Et donc, on va avoir des interactions entre la surface et le sous-sol, entre ces réseaux techniques et les réseaux naturels, entre guillemets, parce qu'eux-mêmes, ils ont été un petit peu artificialisés quand même. Et tout ça, en fait, ça rend des inondations, c'est des phénomènes assez complexes, avec une gamme très très large de submersions, qui fait qu'aujourd'hui, en France métropolitaine, on a quand même un Français sur quatre qui habite dans une zone inondable. Mais inondable, elle peut être inondable par plein de mécanismes, par plein de phénomènes. Quand l'eau monte, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. On peut freiner la progression de l'eau, en tout cas en surface. On peut essayer de la contrôler par des ouvrages de rétention d'eau, par exemple des grands barrages, par des digues, par des sacs de sable. Mais c'est vrai qu'une fois que l'eau est là, on ne peut pas forcément l'arrêter. Et en particulier, alors ça va dépendre de la vitesse à laquelle monte l'eau et des volumes d'eau qui sont projetés. Par exemple, quand vous avez des tsunamis, qui sont une submersion marine, vous pouvez avoir des vagues qui vont être extrêmement violentes, extrêmement puissantes, il n'y a aucune digue qui va résister. Quand vous avez de l'eau dans les sous-sols qui s'infiltre, la capillarité qui va rentrer dans les bétons, dans les ciments, etc., qui va inonder en fait comme un peu dans un filtre à café, là aussi ça ne s'arrête pas forcément. Et donc en fait cette espèce d'impuissance, elle est complètement angoissante parce qu'on se dit mais on ne peut absolument rien faire, et donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer avant. 1944, actualité française. Paris retrouve les images classiques de la crue. Il a trop plu depuis des mois, la Seine est devenue inquiétante. Jusqu'où montera-t-elle? Le ver galant noyé est interdit aux amoureux. Voici qui est plus grave. Les péniches immobiles sont bloquées devant les arches trop basses. On ne passe plus. Et il faut, en hâte, préparer des barrages, pomper l'eau qui envahit la ligne des Invalides. Lyon, à son tour, est menacé, et il pleut toujours. En serons-nous quittes pour la peur? Alors bien sûr, ce sont les espaces urbains qui sont les plus menacés. essentiellement, aujourd'hui, effectivement, les espaces urbains sont très menacés parce qu'ils concentrent les populations et les infrastructures, les activités. Donc, en fait, c'est là que se concentrent les richesses. Donc, du point de vue des dommages, c'est là où les dommages sont souvent les plus importants. Et c'est aussi là où on a des difficultés à appréhender ces phénomènes d'inondation parce que, comme les villes sont devenues des systèmes extrêmement complexes, où la nature est sans cesse en interaction avec la technologie ou la technique, eh bien on va avoir des mécanismes de contagion, par exemple l'eau qui va pénétrer dans les sous-sols et qui va ressortir très très loin du point d'entrée. Après, il y a d'autres espaces qui sont aussi aujourd'hui à risque. Ce sont justement des espaces où il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que du coup, l'attention n'est pas focalisée sur ces espaces. Et pourtant, en cas de crise, ils sont tout aussi vulnérables. Et donc là, on a aussi des choix à opérer. Et pas forcément les mêmes modes de gestion à mettre en place. Mais de fait, aujourd'hui, les territoires les plus à risque, en tout cas du point de vue des dommages, ce sont les grandes agglomérations avec cette concentration non seulement de populations et de biens, mais aussi de populations qui sont très vulnérables. Je pense au vieillissement de la population française qui fait qu'on a de plus en plus de personnes âgées. Et qui dit personnes âgées dit des personnes avec une mobilité réduite, avec aussi des fragilités physiques. On a aussi beaucoup de sans-domicile fixe, beaucoup de populations qui sont aujourd'hui des populations qui sont exclues, donc qui sont aussi difficiles à atteindre. Et donc, tout ça crée des vulnérabilités spécifiques qui sont liées au changement de mode de vie, depuis 1910 notamment, et qui font que ces espaces urbains, voire métropolitains, font l'objet aujourd'hui d'une attention très très importante. Maintenant, ces villes sont aussi des espaces qui, parce qu'il y a une concentration de richesses, font l'objet d'une densité en fait d'infrastructures qui vont permettre une meilleure gestion. Parce qu'il y a plus de forces de sécurité, parce qu'il y a aussi, par exemple, plus d'entreprises qui vont pouvoir mettre en place des plans de continuité d'activité. Les vulnérabilités ne sont certainement pas les mêmes que par le passé. Il faut quand même rappeler qu'il y a un siècle et demi, au 19e siècle, on meurt encore des inondations. Aujourd'hui, on en meurt, mais pas dans les mêmes proportions. Et souvent, quand on a des morts aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que ces morts pourraient être évitées. Il ne s'agit pas ici de pointer la responsabilité des victimes, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est simplement que souvent, on se rend compte que parce qu'on a une mauvaise information, parce qu'on a eu un comportement imprudent, parce qu'il y a eu un défaut dans la construction de la digue, etc., on va avoir des morts qu'on sait éviter. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de prévenir ces risques pour que ces morts n'arrivent plus. Et puis les conséquences des inondations, on n'y pense pas toujours, mais peuvent être terribles. Il faut gérer les déchets, par exemple. Alors une inondation, c'est pas simplement de l'eau qui passe. C'est souvent de l'eau qui stagne. Et une inondation produit énormément de déchets. On a des chiffres, par exemple, sur les inondations à la Nouvelle-Orléans suite à Katrina ou à la Faute-sur-Mer, enfin sur la Vendée, en fait, après Xynthia. C'est plusieurs années de production de déchets ménagers. Et pour que les auditeurs s'en rendent compte, on a tous vécu un jour, ou presque tous, une inondation dans son chez soi. Et en fait, on se rend compte que quand l'eau stagne, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, si on la laisse longtemps stagner, tout va pourrir. Et donc, il faut en plus attendre le temps du séchage, du nettoyage, parce que derrière, vous allez avoir des moisissures, par exemple, qui vont se répandre. Alors, sur une inondation dans des sols urbains, c'est encore pire, parce que, par exemple, elle va lessiver des sols, qui sont des sols avec des bitumes, avec des produits dangereux. Ça peut, par exemple, toucher des cuves à mazout, des réservoirs d'essence. Quand vous avez des parkings entiers qui sont inondés, c'est des marées noires, en fait, qui se produisent. Ça peut toucher, par exemple, des sols pollués par des activités industrielles. Donc en fait, aujourd'hui, on a des productions de déchets qui peuvent être des déchets extrêmement toxiques, qui posent des problèmes sanitaires importants, qui posent aussi des questions environnementales, parce que par exemple, vous allez polluer des nappes phréatiques, vous allez polluer des rivières, vous allez polluer un certain nombre de sols, parfois agricoles par exemple, qui vont donc créer des conséquences en chaîne. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que dans ces grandes villes, dans ces grandes métropoles, un événement au départ qui peut être juste physique, vraiment naturel au sens le plus strict de la pluie, va en fait créer des risques technologiques, des pannes généralisées, va aussi créer des risques sanitaires, des risques environnementaux, des risques sociaux. Et donc la difficulté, c'est de dénaturaliser ces catastrophes liées aux inondations pour montrer qu'elles ont des conséquences dans toute notre vie quotidienne et dans notre vie économique. Et qu'en plus, derrière, les causes structurelles de ces catastrophes, bien sûr, il y a des processus physiques qu'il ne faut pas nier, mais derrière, il y a toute une dimension sociale qui est liée aux fragilités de nos sociétés contemporaines, qui sont à la fois liées à nos dépendances aux réseaux techniques, ou par exemple à l'électricité, à l'internet, à nos fragilités sociales, la pauvreté, la dépendance. Eh bien, ça permet en fait d'avoir une lecture un peu plus complexe des catastrophes, et justement de montrer que si les processus au départ ils sont naturels, les catastrophes elles restent sociales, elles sont produites par les sociétés. On parle beaucoup de la crue de 1910. Pourquoi on parle tant de cette crue ? Parce qu'elle était exceptionnelle. Alors cette crue, en fait, elle est exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'est une crue qu'on appelle centennale, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 100 par an de se produire. Donc c'est une crue qui est très importante, beaucoup plus importante que ce qu'a connu l'Île-de-France, même dans les années dernières. Et c'est finalement un événement qui a marqué les esprits et qui a été pour la première fois photographié, notamment par la presse, qui a été aussi raconté par des cartes postales. Et donc c'est un événement qui, dans la mémoire des Franciliens et des Français, a une place tout à fait singulière. 1955, actualité française. Paris reverra-t-il les inondations de 1910 ? À Paris, la Seine a dépassé les 4,50 m de la côte d'alerte. Sur les quais les plus bas, on a commencé à dresser des digues supplémentaires de ciment. Toutes précautions ont été prises pour éviter le désastre de 1910. Année terrible où l'on vit la Seine sur le parvis de Notre-Dame et les députés obligés de se rendre à la Chambre en bateau. Si la gare Saint-Lazare baignait dans l'eau, c'était bien pis du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus aurait-on pu s'y promener en barque. Les stations de métro s'étaient transformées en piscines. Et l'esplanade des Invalides était un lac. Le Paris de 1910, c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour la passerelle de planches et où la vie devenait un tour de force. Ça, c'était en 1955 et il racontait la crue de 1910. C'est la dernière inondation que Paris a connue. Il y a eu des crues depuis, mais il n'y a jamais eu depuis de débordement majeur de la Seine à Paris. Alors, il faut bien comprendre que si le même événement arrive aujourd'hui, une crue analogue à celle de 1910, on n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. En particulier, on n'aurait probablement pas d'eau dans les rues, mais on aurait des dysfonctionnements absolument majeurs et sans commune mesure avec ce qu'on a eu en 1910. Et on écoute Jojoa, tout s'assemble. Je n'ai pas prévu de rapper plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP m'a chopé. Je me suis remis à choper. La Seine n'est pas un long fleuve tranquille. Un jour, comme elle le fit en 1910, elle redébordera. Paris ne sera pas la seule touchée. En Île-de-France, 500 communes seront atteintes. 4 à 5 millions d'habitants seront directement ou indirectement concernés. Magali Regueza décrit parfaitement le scénario. Elle sait que cette crue aura lieu au cœur de l'hiver, suite à un automne particulièrement pluvieux. Mais que s'est-il véritablement passé en 1910? On est dans le Paris de la Belle Époque. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc il y a une tension qui commence à monter. Et puis on est dans la ville lumière. On a les égouts, on a l'électricité, l'exposition universelle a eu lieu. Donc on est vraiment dans une ville qui se pense à la pointe de la modernité, où depuis 1876, on a eu des grands travaux qui sont supposés mettre la capitale à l'abri des inondations. Et puis on a un automne qui est assez pluvieux, il pleut un peu tout le temps. Et on va avoir cette eau qui va monter, qui va monter, qui va monter, et qui va progressivement déborder et inonder les rues de la capitale. Inonder les rues de la capitale avec en plus des résurgences, puisqu'il va y avoir de l'eau qui va passer par le métro, par les égouts, et qui va ressortir un peu partout dans la capitale. Alors il faut bien imaginer qu'à l'époque, on n'est pas du tout dans la configuration actuelle, la banlieue est très peu développée. Pourtant, cette banlieue va énormément souffrir. Les gens en vont avoir vraiment froid et faim. C'est à peu près 400 000 personnes qui vivent là, avec des effondrements de maisons. Et puis dans la capitale, les gens s'organisent. Donc l'eau monte, alors ça dure très longtemps. Il faut imaginer, ces crues de la Seine, elles durent plusieurs semaines, un pic de crue d'à peu près 7 jours. Mais le total de la submersion montée et descente, ça prend près de 7 semaines. Et tout s'arrête. Tout ce qui fait la modernité de la ville s'arrête. Par exemple, les usines à air comprimé. Alors les usines à air comprimé, elles sont très importantes parce que d'abord c'est les pendules, donc toutes les pendules s'arrêtent à un moment donné, l'usine est inondée. Mais c'est par exemple les câbles qui passent entre l'Assemblée nationale et les différents ministères. En fait, on a des câbles qui passent par les tuyaux d'air comprimé. L'électricité, le téléphone s'arrête, le gaz, les gares sont inondées. Le métro qui fait la fierté des Parisiens, on traverse en barque. La gare de Lyon, elle est un peu surélevée. C'est un débarcadère. Les bateaux, les barques arrivent et repartent. Et on est dans une situation un peu folle où, par exemple, les déchets sont jetés dans la Seine. Alors, à l'époque, on a 100 000 militaires, les conscrits, les pioupiou, qui vont venir dans la ville. Alors, on a aussi les marins de Terre-Neuve qui arrivent avec leurs barques. Donc voilà, la vie s'organise. Il faut quand même imaginer que c'est pas du tout la même vie qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on a souvent pas l'eau courante, ou en tout cas dans certains immeubles, mais pas partout. On n'a pas forcément le téléphone, on n'a surtout pas forcément le chauffage. Et puis les gens, on n'a pas du tout les mêmes solidarités non plus. Donc beaucoup de gens vont repartir en province, là où ils arrivent. On n'est pas aussi dépendant. Dans la famille. Exactement. On n'est pas aussi dépendant de tout ce qui est le confort moderne. Il fait beaucoup plus froid dans les appartements qu'aujourd'hui, par exemple. Donc en fait, c'est une vie entière qui s'arrête et qui s'organise avec des solidarités et sur laquelle on a un récit aujourd'hui très glorieux. Tout s'est très bien passé. Oui, parce qu'on voit des photos, les gens sourient, on l'air heureux. Alors c'est très intéressant ces photos parce que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'on les prend en photo. Donc quand en fait vous les regardez, ils sont en fait un peu le côté lapin, enfin le lapin pris dans les phares, quoi. C'est-à-dire qu'ils sourient parce que, enfin, c'est la première fois qu'on les prend en photo. C'est aussi la première fois, par exemple, où on va voir des photographes qui se déplacent sur les lieux pour faire des reportages. Et sinon, on a encore ces illustrés, enfin ces journaux avec les premières pages qui sont des xylographies en couleur. Et là aussi, qui racontent une épopée glorieuse. Ce qu'on oublie derrière, c'est les gens effectivement qui ont faim, qui ont froid. C'est les lynchages, parce qu'il y a des rumeurs autour de gens qui vont faire des pillages. On a aussi ces fameux déchets qui sont jetés dans la Seine. Aujourd'hui, évidemment, ça serait plus possible. Il n'y a pas de mort, enfin il y a un mort. Plus, alors il y a des légendes urbaines hein, sur la girafe du zoo de Vincennes, enfin on a des choses comme ça. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que pendant 2 mois presque, la vie s'arrête. 1er juin 1950, Radio-Télévision française. Souvenir de l'an 1910. Témoignage de Parisiens. La rue Félicien-David est une petite rue très calme, parallèle à la Seine. Depuis 1910, elle a été surélevée et en partie reconstruite. Mais de vieilles maisons subsistent, celle par exemple d'où je vous parle et qui porte le numéro 28. L'une de ses locataires, Madame Chapon, que je vais interviewer, l'habitait déjà à l'époque des inondations. Pourquoi avez-vous quitté votre maison, madame ? Ben voilà, on a quitté notre maison parce que l'eau étant montée à une certaine hauteur, la fontaine qu'on se ravitaillait en eau potable a été couverte et à ce moment-là, on ne pouvait plus faire à manger. Et on est parti le soir, ma foi, avec un peu de linge, des ballots, comme des immigrés, comme... Vous avez une basse-cour dans votre maison, dans votre cour. Qu'a-t-on fait des poules ? Ah oui, il y avait des poules, c'était à la concierge. Alors on les a mis dans un grenier parce qu'à ce moment-là, il y avait des chevaux. Et comment les avez-vous ravitaillés? Eh bien, c'est un sergent de ville qui venait en barque tous les jours pour les ravitailler. Il lui donnait du grain. Et à la rentrée, enfin, quand l'eau a descendu, on a trouvé les poules en bon état. Je vais maintenant m'adresser à Mademoiselle Gouet. Voulez-vous, mademoiselle, nous dire quels souvenirs vous conservez des inondations? Nous avons été très surpris. Il y avait déjà 10 ans que nous habitions le quartier. Jamais on n'avait entendu parler d'inondations. Et puis l'eau est arrivée ici très vite. Il a fallu le soir, je crois que c'était le jeudi soir, se sauver par les fenêtres du premier étage. On a sauvé les enfants, les chiens. Et mon père, lui, a quitté la maison le dimanche, forcé par la police, parce qu'il voulait aussi rester chez lui. Parce que la police n'a ravitaillé plus personne. Ah non, et puis du reste, on craignait que nos vieux bâtiments ne s'écroulent. C'est cela. Nous avons été longtemps partis parce que le temps s'est mis au froid. Il a tombé de la neige, il y avait une couche épaisse de glace et l'eau ne descendait pas. C'est émouvant d'entendre ces témoignages de gens qui ont vécu cette crue de 1910. Oui, moi j'ai eu la chance de rencontrer une personne très âgée qui m'en a parlé, qui était enfant, donc qui s'en souvenait avec là aussi la reconstruction de la mémoire. C'est très émouvant et surtout ce qui est frappant, c'est que ça recoupe les récits qu'on a aujourd'hui quand on interroge des victimes de catastrophes. En fait, c'est un éternel recommencement. L'idée qu'on n'avait jamais vu ça, c'est arrivé très vite, on ne voulait pas partir. Et donc, il y a tout ce discours qui est très classique, en fait, quand on travaille sur ces questions de catastrophes naturelles. Et qui là aussi est intéressant parce que comme on n'a plus ces témoignages, on ne les a pas forcément en mémoire, la mémoire finalement de la crue de 1910 est restée une mémoire un petit peu hérénique. On pense souvent à Venise, il faut savoir qu'une crue de la Seine, ça sent mauvais. C'est de l'eau polluée, c'est pas une belle eau, on n'est pas du tout... Non, on est dans de l'eau qui sent mauvais, avec des cadavres, avec des choses qui se décomposent. On a des effondrements qui sont liés au fait que ce qui se passe dans les sous-sols. Donc par exemple, c'est très dangereux de marcher dans l'eau. Donc on a en fait plein d'éléments. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens se disent oh, « c'était il y a un siècle, aujourd'hui on sait faire, aujourd'hui on a des barrages, on a des digues. » Malheureusement, face à l'inondation qui pourrait se reproduire, à un moment donné, les capacités de contrôle sont limitées. Et donc ces scènes qu'on a là, elles pourraient se reproduire et se reproduire sans doute bien plus vite que ce qui s'est passé en 1910. Parce que par exemple, la dame parle des chevaux, le cheval il peut se déplacer dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas pour une voiture, par exemple. Mmh. Elle a des poules. Nous, on dépend du frigo. Et donc, on a un ensemble de dépendances qui se sont créées grâce à la modernité et au progrès, qui font qu'aujourd'hui, on peut vivre de plus en plus vieux, de plus en plus seul, alors avec tous les problèmes que ça comporte, mais on peut être autonome de plus en plus longtemps, et que malheureusement, le jour où tout ce qui fait cette modernité s'effondre parce qu'il y a de l'eau, eh bien, c'est toutes nos habitudes du quotidien qui sont perturbées. Et ce qui est très intéressant dans ce que racontent ces témoignages, c'est la durée. Parce que on a l'image, c'est long, c'est extrêmement long. Mais quand je dis que c'est long, ils sont revenus, mais ensuite, il faut savoir qu'au mois d'août, ça sentait encore mauvais dans les caves. Et les gens qui ont vécu les inondations, notamment de janvier 2018, dans les départements limitrophes de Petite-Couronne, ils savent ce que c'est, et c'était uniquement des inondations de caves. Donc c'est à la fois très long, et puis il y a aussi ce que cette dame raconte, c'est-à-dire que probablement, il y a dû avoir une résurgence d'eau, une digue ou un bâtard d'eau qui saute. Et là, par contre, l'eau monte très très vite. Et là, c'est aussi très dangereux. Donc il faut pas imaginer que parce que c'est une crue qui est lente, c'est ce qu'on dit, cette crue, elle est forcément prévisible. On a à peu près 48 heures de visibilité, ce qui est extrêmement court. C'est pas non plus parce qu'elle est lente qu'on va pouvoir l'empêcher. Donc en fait, on a un ensemble d'idées reçues sur cet événement qui font que c'est aujourd'hui très difficile non seulement de sensibiliser les populations, mais aussi les pouvoirs publics, alors qu'il y a un enjeu majeur à le faire. 1er juin 1950, enregistrement d'une revue de presse de 1910. Le 27, la crue implacable brise, submerge ou emporte tout. Les rats ! Chassés des égouts, les rats envahissent les maisons, montent dans les étages. Jamais on n'en a vu de pareil. Ils sont aussi gros que des chats et se montrent agressifs. Le commissaire de Saint-Germain-l'Auxerrois a dû lutter contre une légion de rongeurs à coups de canne après avoir épuisé les 6 balles de son revolver. Et il a été cruellement mordu à la main droite. À Bercy, le flot monte avec une rapidité effroyable. Le quartier de la gare fait maintenant partie du lit de la Seine. De minute en minute, la situation devient plus critique dans le 6e arrondissement. L'eau est apparue rue de Rouault. La place de l'Opéra menace de s'effondrer. De toutes parts, les gens fuient. Voilà une des conséquences des inondations qu'on n'imagine pas forcément. Les rats sont d'excellents nageurs. Donc en fait, ils remontent dans les, ils nagent dans les canalisations et profitent des siphons pour respirer. Donc cette question des rats, elle pose, en fait, il y a deux problèmes. Il y a à la fois l'invasion des rats dans les appartements, et puis il y a aussi la question de ces rats qui vont pouvoir se nourrir des poubelles, des déchets, qui vont être en fait entreposés de façon un peu comme on peut. Donc il y a un enjeu sanitaire majeur sur lequel d'ailleurs les pouvoirs publics ont travaillé lors du grand exercice de simulation des crues de la Seine, qui s'appelait Sequana, en mars 2016. Les rats faisaient partie du scénario et on a eu des questions sur qu'est-ce qui pourrait se passer du point de vue sanitaire, environnemental avec les rats. Magali Regueza, vous êtes géographe, vous êtes chercheuse et vous êtes une spécialiste des inondations. Qu'est-ce qu'une chercheuse vient faire dans cette histoire ? Alors moi je travaille, donc je suis géographe, c'est-à-dire que je travaille du côté des sciences sociales et j'essaie de comprendre justement la dimension sociale de ces catastrophes et de ces inondations en essayant de comprendre comment on peut mieux se préparer, comment les populations vont réagir. Moi, mon travail, c'est aussi de sensibiliser pour dire on ne pourra pas tout faire et chacun doit, à un moment donné, prendre aussi sa part de responsabilité. On a la chance d'avoir des gens aujourd'hui qui se mobilisent pour assurer la sécurité de leurs concitoyens avec très peu de moyens. So you climb, brother, what have you done? Take an aim and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and little? Or so it seems. Cause we need fiction. Yes, we need. Oh, give us tales and mystery. Cause we need song. Oh, give us tales. We need love and innocence. Brother, against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades. One same kind. Hey sister, where are we heading? Well, lonelier than ever. Just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so we're told. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Yes, give us times. We need love and Brother, c'était Loudoyon. Les Saventuriers sur France Inter. La résilience est un mot qui désigne la capacité d'adaptation d'une personne à la suite de difficultés. Depuis peu, la résilience s'applique à tout ce qui est capable de surmonter des épreuves. Et aujourd'hui, on parle de résilience urbaine. Magali Regueza anime un séminaire de recherche sur la résilience urbaine et elle plaide pour un rapport différent avec la nature. Il y a quelque chose dont vous parlez souvent, c'est la résilience urbaine, mais c'est quoi? Alors la résilience, c'est un terme un peu... En ce moment, c'est à la mode. Quand j'ai commencé à travailler dessus, ça l'était pas vraiment. Au départ, c'est l'idée que les villes, quand vous regardez les villes dans l'histoire, il y en a très peu qui se sont effondrées, qui ont disparu après des grandes catastrophes naturelles. Même en fait, celles qui ont disparu, elles disparaissent souvent sur un temps plus ou moins long, mais au bout d'un moment, elles reviennent. Prenez Pompéi, par exemple, elle a effectivement disparu. Mais à un moment donné, aujourd'hui, il y a une nouvelle Pompéi, on a des touristes et Pompéi a un nouveau destin. Et donc l'idée, c'était de se dire, si on est capable de voir dans ces organismes ce qui leur permet à un moment donné de se relever, on pourrait, du coup, a priori, se dire, on va reproduire ça et on va essayer de fabriquer des villes qui sont résilientes. Et cette résilience, elle est devenue c'est une notion qui a été utilisée dans beaucoup de disciplines, qui a été reprise dans le champ des catastrophes naturelles. Elle est devenue aujourd'hui une injonction internationale avec l'idée que, puisque on reconnaît nos vulnérabilités, cette vulnérabilité, elle ne nous condamne pas à une catastrophe assurée. Mais même si d'une certaine façon la catastrophe arrive, on est encore capable de s'en sortir. Et donc l'idée des cadres internationaux, c'est de fabriquer des sociétés et des territoires et des individus résilients. Et c'est là que ça se corse. Parce qu'évidemment, derrière, au départ, ce qui était une notion descriptive que le chercheur utilise a posteriori pour essayer de rendre compte d'un processus très complexe, on a une injonction morale et normative qui arrive et qui fait que si tu te relèves pas, ça veut dire que quand même, t'es un peu responsable moralement, quoi. Et donc, quand même, il faudrait que tu te prennes en main, que tu sois un peu plus adaptable, un peu plus flexible, un peu plus... C'est terrible. Alors, tout le monde fait pas ça. Je suis pas du tout dans le mythe du complot. Je dis juste qu'à un moment donné, cette résilience, elle va rentrer en écho avec un certain nombre de principes ou de normes morales qui, au départ, partent d'un très bon sentiment, qui est de rendre les gens acteurs et non pas simplement passifs, de restaurer leur liberté d'action et de leur liberté de choix, et que, par certains côtés, elle sert aussi à un discours qui est moins noble, qui est un discours de transfert des responsabilités juridiques, morales, sur les victimes, la bonne et la mauvaise victime. Et moi, mon rôle ici, c'est justement de pointer le doigt là où ça fait mal. 25 décembre 2000, Journal de France 2. Retour sur la grande tempête de 99 qui a ravagé la France. La tempête arrive par le nord de la Bretagne. Il est 2h du matin, des vents d'une violence exceptionnelle s'engouffrent sur le pays. Les habitants du Calvados font partie des premières victimes. Leur région ce matin-là ressemble à un champ de bataille. Les vents ont soufflé à plus de 170 km/h. À Saint-Pierre-sur-Dive, la ville est sinistrée à 80%. Des dizaines de tonnes de béton, de pierre et de bois se sont envolées, des vies écrasées. Une femme est tuée ici par la chute de sa cheminée. Au total, 18 personnes vont trouver la mort dans le nord-ouest. Dans toutes les casernes, les pompiers sont débordés. 7h du matin, la tempête arrive sur l'île de France. Les vents n'ont pas faibli en pénétrant à l'intérieur des terres. 216 km/h au sommet de la tour Eiffel, Paris est sans dessus-dessous. Les colonnes Maurice sont à terre et plusieurs centaines d'arbres centenaires se sont écroulés. À Paris, près de 60% des toits sont endommagés. Les pompiers ici aussi sont submergés. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort et les esprits resteront marqués à jamais. Magali Regueza, qu'est-ce que ça a appris aux chercheurs, cette tempête de 99? Énormément de choses. Ça a d'abord rappelé la vulnérabilité du territoire, par exemple sur la façon d'entretenir les forêts, par exemple sur la fragilité de certaines infrastructures électriques, par exemple sur les mécanismes d'alerte. Donc cette tempête, comme tout en fait événement majeur, ça sert ensuite des retours d'expérience qui permettent d'apprendre de ce qui n'a pas marché et qui permettent de mieux se préparer le coup suivant. Quand vous dites ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché par exemple ? Alors il peut y avoir plein de choses qui dysfonctionnent. Ça peut être des dysfonctionnements organisationnels, par exemple un message d'alerte qui est mal formulé, qui est mal compris, qui est mal diffusé. Là aussi, il ne s'agit pas du tout de faire porter la défaillance sur un individu, mais simplement de montrer que l'organisation, la façon dont on va organiser les différents différentes institutions, les différentes responsabilités, fait qu'à un moment, ça peut produire un effet négatif qui va faire que tel message n'est pas compris, pas entendu. Il y a aussi la dimension de préparation des individus et des collectifs à faire face à ce type d'événement. Mais globalement, on a des territoires qui ont été frappés. Et donc, le souvenir et la récurrence de ces événements fait qu'on va s'y préparer, donc on va réduire sa vulnérabilité. Et puis, on a d'autres territoires où, parce que les événements sont beaucoup plus rares, on les a oubliés, on pense que ça n'arrivera plus, on pense que ça n'arrivera pas, on ne sait pas que ça peut arriver. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, ces événements rares, ils existent quand même. Et comment on maintient dans le temps la conscience et la préparation ? Eh bien, ça demande un investissement qui est un investissement qui, politiquement, économiquement, est lourd. Mmh. Parce qu'en fait, vous allez devoir dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas de votre vivant. Et donc ça, c'est des arbitrages sociaux à faire, sachant qu'en plus, aujourd'hui, le risque est forcément quelque chose de négatif et que donc beaucoup de territoires ne veulent pas afficher qu'ils sont à risque. Parce que derrière, on se dit, ça va être répulsif. Et donc derrière, toute la question, c'est de se dire comment une société peut faire face à la multiplicité des menaces qui sont présentes, sans sombrer non plus dans l'angoisse et l'anxiété, mais en se disant, voilà, il existe des menaces, et s'y préparer, c'est aussi une façon finalement positive de pouvoir rebondir plus vite et d'afficher ce savoir-faire. Et c'est pour ça que le chercheur, c'est toujours un peu compliqué, parce que la catastrophe, c'est aussi notre matériel d'étude. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ah, c'est terrible. C'est assez terrible, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'en étudiant ce qui s'est passé, on est capable, à un moment donné, justement, de faire mieux la prochaine fois ? De ne pas prendre juste la catastrophe comme quelque chose qui s'arrête, mais au contraire, comme un début qui peut amener à modifier un certain nombre de procédures, de regarder les choses autrement, de mettre les choses à plat. Alors on peut dire que c'est un peu terrible, parce qu'il faut attendre des catastrophes pour que ça se passe, mais c'est aussi très important d'être capable, là aussi dans le processus de reconstruction, de donner aussi un sens en se disant les leçons du passé peuvent nous servir à éviter à l'avenir que ça se reproduise. C'est escalade, les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero, Bonifacio. C'était Féloche. Les aventuriers sur France Inter. Avec la mondialisation, les catastrophes ne sont plus perçues de la même façon. Pourtant, curieusement, la vulnérabilité s'est accrue. En cas de sinistre, les grandes métropoles se révéleront très fragiles. Deux catastrophes similaires n'auront pas le même impact. Les scientifiques, comme la géographe Magali Regueza, aident les pouvoirs publics à se préparer au pire. Et voici ce qui se passerait si nous devions faire face à une crue identique à celle de 1910. Alors si on avait un événement analogue à celui de 1910 en termes météorologiques, c'est-à-dire le même processus physique, et si on atteignait des niveaux d'eau analogues, voire même inférieurs, on aurait en fait un scénario assez différent de ce qui s'est passé en 1910, parce que nous avons aujourd'hui une métropole extrêmement connectée au reste du monde, qui est un centre, un hypercentre économique de la France, voire de l'Europe, et de la mondialisation. Et donc, en fait, derrière, on va d'abord avoir des perturbations de la vie quotidienne extrêmement importantes, avec soit des endommagements directs à un certain nombre d'infrastructures, soit des fermetures préventives, par exemple le métro, qu'il faudrait fermer pour éviter les entrées d'eau. Donc les gestionnaires vont être obligés de faire un arbitrage entre la protection de leur infrastructure, parce que si elle est détruite, ça demande des années à être reconstruite, et puis la continuité d'activité qui permet d'assurer un service pour l'ensemble des populations. Donc on va avoir d'abord des impacts très lourds sur la vie quotidienne. Il suffit de faire le test chez soi, hein. Vous coupez le courant dans l'immeuble, je parle même pas de la rue, où là, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus rien. On est en hiver, hein, donc il fait une nuit à 17h. Ce sera l'hiver, forcément. Ce type de crue arrive hiver... printemps. Ouais, vraiment début du printemps. Les crues d'été, c'est un autre mécanisme. Elles peuvent aussi arriver, mais on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'eau. Là, on parle d'une crue qui atteindrait 8,60 m, si c'est comme en 1910, au pont d'Austerlitz. Juste pour donner une idée, on était à 5,80 m en janvier 2018, et à l'épisode de juin 2016, on est à 6,10 m. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'eau. Donc la vie quotidienne extrêmement perturbée, avec pas forcément de l'eau dans les rues, mais de l'eau dans les sous-sols, qui fait qu'en fait les réseaux tombent les uns après les autres, comme ils sont tous dépendants, et que du coup, à un moment, on ne peut pas vivre. Par exemple, s'il n'y a plus d'assainissement chez vous, vous ne pouvez pas vivre. Si vous n'avez plus d'électricité, vous pouvez tenir quelques jours, mais pas énormément. Donc il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, évidemment. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de chauffage urbain, on a des problèmes de liquidité, de fiduciaire. Il va falloir évacuer des hôpitaux, évacuer des prisons, évacuer des musées, il va falloir fermer des écoles. En plus, en Île-de-France, on ne travaille pas là où on habite pas là où on consomme, et on ne consomme pas là où on se détend. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on a besoin de se déplacer. Et que ce déplacement, il dépend soit de voitures qui demandent du gasoil, soit de transports en commun, qui demandent de l'électricité, et qui demandent des infrastructures de transport avec des routes qui peuvent être inondées. Donc tout ça, en fait, fait que la vie quotidienne devient extrêmement difficile, et que probablement, on va avoir des évacuations massives de populations qui peuvent être soit spontanées, soit dirigées par les pouvoirs publics. Deuxième problème, c'est que il y a aussi des activités économiques qui vont être au minimum au ralenti, voire complètement arrêtées. Et en particulier, le cas particulier de la métropole, c'est que vous avez des donneurs d'ordre dont dépendent un ensemble de sous-traitants. Si ces donneurs d'ordre interrompent leur activité, c'est l'ensemble de la chaîne de production, donc en fait l'ensemble du système productif, qui se paralyse. Donc si vous voulez, on a des systèmes de contagion qui font que, de façon totalement contre-intuitive, c'est pas parce que vous avez les pieds dans l'eau ou pas les pieds dans l'eau, que vous êtes touché. Il y aura énormément de personnes qui vont se retrouver au sec et dans l'incapacité soit de vivre au quotidien de façon classique, soit d'aller travailler. Au total, on estime que cette crue, ça peut aller jusqu'à 5 millions de personnes uniquement en Île-de-France impactées. Donc là, on est juste sur l'Île-de-France. Dans les plus pessimistes des estimations, on est à 30 milliards de dommages immédiats. 30 milliards, c'est considérable. Les crues de juin, c'était 1 milliard. Xinxia, c'est 1 milliard. Et on est, en termes de perte de PIB sur 5 ans cumulés, on est à peu près à 60 milliards. Et cette crue, elle va arriver, c'est sûr. Oui. Alors, pas forcément sur le modèle de 1910. Elle peut être plus importante, moins importante. La crue de 1910, on considère que c'est une crue sans nalle, c'est-à-dire une chance sur 100 par an. C'est-à-dire que sur la vie d'un Français moyenne, de 80 ans à peu près, on a 2 chances sur 3 de voir ce type de crue. Il peut y en avoir plein d'autres, des moins fortes, des plus fortes. Et quelles sont les raisons de la crue ? Alors, les raisons de la crue, généralement, alors il y a plusieurs façons de fabriquer une crue sur l'Île-de-France. En 1910, on a eu des pluies régulières sur l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire du territoire qui est drainé par la Seine et ses affluents. Donc, c'est à peu près 2 fois la Belgique quand même, donc c'est immense. Des pluies un peu plus abondantes que la moyenne, mais en continu à partir de surtout l'automne et sur le début du mois de janvier. On peut avoir d'autres phénomènes qui arrivent. C'est par exemple le gel des sols qui fait que l'eau ne s'infiltre plus. C'est aussi ce qui s'est passé en janvier 2018, où là on a eu un mois de décembre extrêmement pluvieux, des sols complètement saturés qui absorbaient plus rien, et donc on a donc ça va dépendre en fait des différents paramètres. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour qu'on ait une crue de la Seine à Paris, il faut qu'on ait la concomitance des pics de crue, c'est-à-dire de la montée maximale des eaux sur différents affluents de la Seine. Et le problème, c'est que ces affluents, ils réagissent pas tous de la même façon. On en a des entre guillemets sympathiques, les gros fleuves qui coulent le long sur des plaines. Alors ça va lentement, on les voit arriver. Il faut à peu près 7 jours pour que l'onde de crue se déplace. Puis on a des fleuves qui eux réagissent, enfin des rivières du coup, pour être au sens strict, qui réagissent beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que la visibilité de la prévision, elle est à 48 heures maximum. C'est-à-dire que je ne peux pas dire... C'est peu. C'est peu. Ça ne veut pas dire que les météorologues ou les prévisionnistes sont des nuls qui comprennent rien, qui sont incompétents. On ne peut pas prévoir de façon certaine la montée ou la descente de l'eau au-delà d'un certain seuil, parce que ça va dépendre de type de précipitation et de l'endroit où elles vont tomber. Parfois, à quelques kilomètres, ça va changer complètement la configuration. Le problème, c'est que les plans de secours, pour les mettre en place, que ce soit des évacuations d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'écoles, la mise en sécurité, il faut plusieurs jours. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les décideurs vont devoir prendre des décisions entre guillemets à l'aveugle. Et là, on est dans un pays où malheureusement, la polémique est rapide. Et donc, imaginons que quelqu'un dise, ben voilà, il faut évacuer des hôpitaux, il faut évacuer Paris. Vous imaginez là, la décision. Et s'il ne se passe rien, si l'eau redescend, qu'est-ce qu'on fait ? Sauf que si on ne le fait pas, on risque d'être dans une situation très grave, parce qu'à un moment donné, du fait de l'interruption de toutes ces raisons, on ne pourra plus sortir. Et donc, on va se retrouver avec une possible crise humanitaire. C'est pour ça que cet événement, c'est pas juste c'est pas de la science-fiction, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, il s'agit de dire, on doit pouvoir se préparer pour, si un jour ça arrive, être capable de faire face. Alors, on s'y prépare comment ? Parce que je sais que vous aidez les pouvoirs publics à réfléchir à ces sujets. Alors, les pouvoirs publics. Alors, on a déjà, heureusement, un système de gestion de crise en France qui est parfaitement rodé, qui est très fonctionnel et qui apprend aussi des différents événements pour essayer de toujours s'améliorer. On a aussi des planifications qui existent et de plus en plus, on a des exercices. Par exemple, en 2016, on a eu un grand exercice qui a fait jouer près de 80 partenaires où on a joué pendant 15 jours. Cette crue, alors c'est assez extraordinaire en fait, c'est comme un jeu de rôle avec un scénario, des acteurs, des inputs, il y a un maître de jeu. En fait, on joue pas, on valide des procédures, on regarde si ça fonctionne. Et puis on y croit. Et puis, alors on peut y croire, alors il y a la question aussi du réalisme, parce que l'idée c'est pas du tout de reproduire ce qui se passerait, c'est de reproduire des situations dans lesquelles on va demander aux personnes de tester un certain nombre de choses dans leur procédure. Et donc, c'est une construction collective autour de cet événement et qui a été très utile parce que quand en juin 2016 est arrivée la crue, eh bien, les gens se connaissaient, étaient préparés et ont pu faire face beaucoup mieux à ce qui se passait. 7 mars 2016, journal de France 3, exercice plan Sequana. Des boudins remplis d'eau autour de la maison de la radio. Une digue anti-inondation, premier exercice de cette quinzaine de prévention au risque de crue majeure. On est prévenu par la préfecture de police 72 heures avant. Donc on a 3 jours pour pouvoir la monter. En moyenne, il nous faut, là c'est la première fois qu'on la monte, mais on a regardé, il nous faut une demi-journée pour monter l'ensemble du dispositif. Une prise de conscience du risque pour les entreprises et les services publics. Mais les Franciliens sont-ils préparés ? Je me dis, toutes les routes seront bloquées, il n'y aura pas de circulation, ça posera problème, peut-être qu'il y aura une coupure d'électricité. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si ce n'est alerter des gens puisqu'on est au courant et qu'on a été mis au courant, voilà. Une carte interactive permet de savoir, rue par rue, l'étendue des risques. Face à la crue centennale, on ne peut qu'essayer de limiter les dégâts. Qu'est-ce que ça a appris, cet exercice Sequana ? Alors l'exercice a appris énormément de choses, à la fois sur les procédures et la validité d'un certain nombre de procédures. Par exemple, on était persuadés, avec les études qu'on avait, que les premiers dommages arrivaient à peu près à partir de 6,50 m. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des dommages plus tôt. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un certain nombre de populations, par exemple, qui étaient extrêmement vulnérables et qu'on aurait peut-être du mal à toucher. On s'est posé la question des évacuations. Évacuer une mère de famille avec des enfants en bas âge, ça peut devenir très vite compliqué. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça permet à un moment donné de mettre en commun les connaissances, de mettre aussi en commun les ignorances et d'avancer. Mais on n'a pas construit d'infrastructures pour limiter les risques. Alors, une des leçons de Sequana et des événements qui ont suivi, c'est justement de montrer qu'on a effectivement ces barrages et créateurs de crues qui sont gérés par les Grandes Lacs de Seine et qui, en janvier 2018, ont vraiment évité la catastrophe. Sauf que ces barrages étaient pleins. Et que donc ces barrages, ils ont un rôle essentiel parce qu'ils permettent d'écréter, alors selon les cas, entre 70 et 80 cm, c'est considérable. Mais en cas de crue centennale, ça vous laisse encore une crue qui est supérieure à 7,50 m, voire 8 m. C'est quand même énorme. Et donc l'idée, c'est de se dire, on a un éventail de solutions. Si on arrive toutes à les mettre en place, c'est formidable, parce que ça va nous faire gagner du temps. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'éviter ce qu'on appelle des effets de seuil, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction du niveau d'eau, dans les sous-sols et en surface, on bascule dans des scénarios différents à quelques centimètres près. Il suffit parfois de quelques centimètres pour provoquer une inondation d'un point stratégique ou une évacuation massive de population. Ces barrages, en fait, et ces infrastructures, ces digues, etc., elles permettent de gagner du temps. Le problème, c'est qu'elles laissent imaginer qu'on est à l'abri. Elle laisse imaginer qu'il suffira d'appuyer sur un bouton et que la digue va nous protéger ou que le barrage va nous protéger. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à convaincre les gens qu'il faut effectivement dépenser des millions d'euros parce que ça coûte extrêmement cher dans ces infrastructures, parce que ces infrastructures vont nous permettre d'économiser des milliards d'euros, mais qu'en même temps, elles ne suffiront pas à empêcher la crise. Magali Regueza, j'ai une question, une dernière, mais vous n'êtes pas obligée de répondre. Vous êtes géographe, spécialiste des inondations. Vous parlez de la crue centennale. Franchement, est-ce que vous aimeriez la connaître, cette crue ? Enfin, franchement, je ne la souhaite pas. Et en même temps, je dois avouer qu'il y a un côté de la catastrophe qui est absolument fascinant, à la fois morbide, parce que ça nous renvoie aussi à nos propres peurs en tant qu'individus. Voilà, il y a ce côté fascinant de se dire comment une organisation sociale résiste et on voit des choses merveilleuses dans les catastrophes. Pas simplement la figure des héros tels qu'on les scénarise ensuite, mais vraiment des solidarités, des choses qu'on pensait plus possibles qui se mettent en place et qui vous rassurent vraiment sur votre prochain et qui fait que ce jour-là, vous aimez votre prochain. Et puis on voit aussi à un moment donné des drames, des choses vraiment terribles. Et franchement, quand on parle avec des victimes de catastrophes, quand on sait ce que c'est, moi je me souviendrai toujours de cette dame qui nous disait « C'est pas ma maison, c'est pas mon commerce. J'ai perdu l'album photo de mon mari. J'ai perdu le souvenir, la chaîne de ma mère, qui coûtait sans doute rien. J'ai perdu cette photo, ma fille est décédée, j'ai perdu la photo dans l'inondation, j'ai plus rien. » Et cette idée-là, j'en parle avec émotion, parce que c'est aussi ces victimes-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans des questions de combien ça coûte. On est dans des vies, des trajectoires de vie qui peuvent être brisées. Oui, il y a aussi des gens qui meurent. On ne sait pas ce qu'on est en catastrophe. On peut être un héros, on peut être un salaud. Enfin, on n'est pas là dans le jugement moral. Moi, je la souhaite à personne, cette crue, parce que ça va être très difficile. Et en même temps, du point de vue du chercheur, évidemment, on se dit, mais ce type d'événement, si ça arrive, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre ? Mais je la souhaite vraiment pas et j'espère ne pas la voir sur les années qui me restent. Vraiment, j'espère qu'elle n'arrivera pas. Magali Reguezazit est l'auteur de Paris coule-t-il, paru chez Fayard en 2012. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les s'aventuriers de l'été passés et à venir sont en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Demain, vous découvrirez comment des physiciens aident les sportifs à aller plus vite ou à sauter plus haut. Nous serons avec Christophe Clanet, directeur de recherche au CNRS. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À demain. Demain.